vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. J'ai marché avec un zombie, la nuit des morts vivants, Resident Evil, Buffy la tueuse de vampires. Ce soir, oui, on ouvre grand les portes de notre bon vieux club, aux morts vivants, aux vaudous, aux zombies. Ce soir, dans la nuit des temps, c'est la zombie dance. I disappear, gotta take off, no more days off, no way for me to chill, if you get up and break off, break, give me the time to breathe, more and more plans that I could achieve, yesterday, every hour used to last a day, now minutes, hours, seconds, they just fly away, and I can't rewind, no second chance, no way to make it right, so I'll take the time before it takes me, I will make it mine before I go crazy, keep it in mind, only one lifetime, you never know when you hit the finish line, time is pushing, chasing, and blocking me, shifting, guiding, rushing, and stopping me. La nuit des temps, Radio Dio. Thank you. Vaudou, j'ai marché avec un zombie. C'est un film fantastique réalisé par Jacques Tourneur en 1943. Et on peut dire qu'il marque l'arrivée des zombies dans l'histoire de l'industrie cinématographique. C'est justement l'histoire d'une jeune infirmière qui est engagée par un riche propriétaire dans les îles des Caraïbes. Ça se passe à Haïti. Et cette jeune infirmière est là pour s'occuper d'une femme qui a vraiment une drôle d'allure. Cette femme est magnétique, à ce détail près qu'on ne sait pas si elle est morte ou bien vivante. Et il faudra attendre 1968 et George Romero pour inventer la grammaire moderne du zombie. Ce sera La Nuit des Morts Vivants, un film fauché tourné en noir et blanc qui va fixer les règles du genre. Première règle, les zombies ont des origines mystérieuses. Les causes de leur apparition proviennent sans doute de radiations ou de maladies étranges. Deuxième règle, ils ne sont ni morts, ni vivants, ils sont pile dans l'entre-deux. Troisième règle, les zombies sont lents et maladroits. Il faudra attendre d'autres réalisateurs pour les accélérer, voire les rendre terriblement habiles. Quatrième règle, les zombies ne sont pas fufutes. Et pourtant, au fur et à mesure de sa filmo, Romero va chercher à créer le contact entre les humains et les zombies. Et les plus ravagés ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Et si les zombies avaient des bribes de raison parmi les restes de leur cervelle? Mieux, est-ce que les zombies n'auraient pas un bout d'âme qui pourrait traîner parmi les restes de leur corps en morceaux? Cinquième règle, les films de Romero sont ouvertement politiques. Il y a question de racisme, de folie concernant l'économie libérale, des risques de la surconsommation, de citoyens ravagés par le goût des armes, et puis des minorités qui morflent aussi. Et c'est ainsi que les zombies de Romero sont devenus un canal de contestation politique puissant, drôle et horrifique, pour parler de nos époques, pas toujours formidables. Et c'est sans doute pour ça, un siècle après leur apparition dans le cinéma hollywoodien, que les corps désarticulés des zombies continuent de nous fasciner et à nous faire danser. C'est la zombie dance. La nuit des temps, l'international de la danse. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down. Must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the Mais nous, on va faire un pèlerinage à Haïti. Car c'est là-bas, dans cette île des Caraïbes, que les zombies sont particulièrement vivaces. Alors on atterrit à Port-au-Prince. Nous arrivons plus précisément dans le quartier populaire de Martissant. Et pour s'y rendre, il faut prendre un tap-tap, ces minibus un peu tape-cul et couverts de toutes les couleurs. Car là-bas, nous attend Errol Josué. On ne sait pas si c'est un prêtre ou une rockstar. Il porte un t-shirt Nirvana. C'est un expert en rituel vaudou. Alors on danse avec lui. Et nous sommes en 2023. Et c'est un extrait de son album Pèlerinage. C'est quelqu'un à qui on a administré un poison. Il entre alors, et on l'imagine bien, dans un état cataleptique. On le fait passer pour mort. On va même l'enterrer pendant un jour ou deux. Et puis il revient à la vie, plutôt en petite forme, et sera considéré comme un zombie. Cette pratique est en marge des rituels vaudous. Elle est pratiquée par des sociétés secrètes et concerne quelques dizaines de personnes, chaque année, à Haïti, encore aujourd'hui. Kaoulo maîtresse Freda, Kaoulo Zili Freda, Daoumé Negesi Mamoulade, Neges Flavodou, Negesi Mamoulade, Neges Flavodou, Kaoulo, Kaoulo, Kaoulo, Kaoulo. Tote ouye Zili Freda, Daoumé, Fontre no Kaila. Les percussions pour les rituels vaudous haïtiens sont un élément central. On utilise trois tambours. Le principal, que l'on appelle maman, le second qui accompagne, c'est le sagon, et le troisième qui est le kata. Il est là pour marquer la rythmique. Et cette tradition rythmique continue à irriguer l'électro haïtienne aujourd'hui. Comme Gaëtan Colo, aka Colo. C'est l'un des ambassadeurs de l'électro haïtienne que l'on appelle le Raratek. Maman, petit, yola, y'a tracé. Spécial zombie dance. Tout le monde sait, on a laissé, faites de nous c'est, qui est zombie man maintenant, qu'un petit boulet. Si vous l'êtes sauvé, l'aller dans le marché. Zombie man manan, qui est petit poulet. Aché, bon Dieu. Qui t'aime juste dit, ça me pensait. Qui jamais senti étranger dans le pays. Le m'attendait. Tout sa culture possédait son vrai trésor caché. Je t'aime, m'entendez. Gardez qu'il chante, gardez. Ces quelques zombies haïtiens ont une histoire encore plus ancienne, car le mot zombie, figurez-vous, est d'origine africaine. On dit le N'Zambi. Et derrière ce mot, il y a toute l'histoire des esclaves de l'Afrique de l'Ouest qui ont traversé de force l'Atlantique. Ils sont partis avec leurs croyances qui se combineront sur place à Haïti avec les croyances caribéennes et catholiques. Alors on file à l'une des sources des zombies. On file au Bénin, dont ces croyances sont en plein revival. La nuit des temps, Radio Dio. Thank you. que ce détour vers les racines béninoises nous ramène comme un boomerang vers les Caraïbes. Mais cette fois, nous allons en Guadeloupe, où l'on danse aussi avec les zombies. C'est la légende vivante Eric Kozak qui s'y colle avec son rebelle disco, Zombie Dance. Et nous sommes à Pointe-à-Pitre. Nous sommes en 1982. On a vu, les zombies sont une sous-branche des cultures vaudous. Et n'empêche, les vaudous auront inspiré un nombre tout aussi incalculable d'artistes aux États-Unis et en Europe. Entre Jimi Hendrix dans la nuit des temps, entre avec ce monument psychédélique et rock, entre Voodoo Child Baby, entre avec ce riff qui fume et qui sature et qui danse. Nous sommes en 1968. Jimi Hendrix, Voodoo Child. Yeah. sweet. I'll get right back to you one of these days. La nuit des temps, l'international de la danse. We'll be right back. 1791-1804, c'est la révolution haïtienne. De nombreux réfugiés quittent l'île accompagnés de leurs esclaves. Et vous savez où ils partent s'installer ? Eh bien, ils vont à la Nouvelle-Orléans. Et avec eux, ils apportent voodoo et zombies dans leurs valises. Ils posent leurs croyances aux États-Unis. Et là, c'est toute l'histoire de la Nouvelle-Orléans qui s'agite. Et Coco Taylor, Voodoo Woman. Et le professeur Long Air aussi. Et Dr. John aussi. La Nouvelle-Orléans, nous sommes en 1975, Coco Taylor, Voodoo Woman, et c'est du blues dont il s'agit. La nuit des temps, Radio Duo. Lord, if I raise my hand, you En 1968, sur la pochette de l'album Gris-Gris, le pianiste Dr. John invente un drôle de personnage, c'est Dr. John the Night Tripper. C'est une sorte de prêtre hoodoo, en référence au vaudou haïtien, et il chante avec des accents créoles la non moins fantastique Mama Roo. Mama Roo, the queen of the little red, white and blue. She was the queen of the little red, white, and blue. Said, ooh, I get your spy, boy. Prepare yourself to die, boy. Medicine man got a heap strong power. You know better than to mess with me. Like a rival, la, la, la, la. Like a rabble, the la, la, la, la, boo, boo. If you see a spy boy sitting in the bush, mess him on his head and give him a push. Get out the dishes, get out the pan. Move he fast for the medicine man. Tra la la la la la la la la la la la la. Pull a mile, a while, a child, a while, a while, I won't jump. The queen is coming, boom, by me. The queen is coming to West Paso Way. Better not get in the way. Got the second line fever today. Sang a wham, bam, and hang the hand. Come on down, brother, follow me. Wham, bam. Come on, brother, follow me. Mama Roo. She was the queen of the little, little white and blue. Mama Roo. She was the queen of the little, little white and blue. Come on, boy, now follow me. Wham, bam, hang the hand. Come on, boy, now follow me. And wham, bam, spraying sand. Come on, boy, now follow me. Then wham, bam. Professeur Long R, nous sommes en 1959. Well, I'm gonna draw it. I wanna see the money draw. Yes, I'm gonna draw it. I wanna see the money draw. When I see the money draw, I wanna know what's carnival for. Going down in your lane, I've got my ticket in my hand. Going down in your lane, I've got my ticket in my hand. When I get in your lane, I wanna see the Zulu King. Down on the airport and do me. Yes, down in your lane, on the airport and do me. Gonna make it my standing place until I see the Zulu Queen. Il frappait du pied son piano pour façonner sa rumba boogie qui combinait le blues et les influences caribéennes. Attention, rumba s'écrit ici avec un H, comme si c'était du rhum arrangé. Et les zombies d'Haïti ne sont jamais loin, surtout pour aller danser pendant les fêtes du Mardi Gras. Le professeur Longuerre se chargeait d'ambiancer tout ce petit monde dans les clubs enfumés. Let's go to Jackie Robinson. That's right. How are you? Pretty well, Jackie. How are you? Oh, I'm fine, thanks. I suppose you know, by the way, that three boys from Louisiana came up here on a Louisiana Youth Fellowship just to see you and the Dodgers in the World Series. They'll be outside when you get there. Well, that's fine. I'm certainly proud that we were able to be in this series so they could see us. How do you feel? Ready to go? Oh, we're all ready. Yes, indeed. Who's going to win? Well, that's pretty hard to say. We've got all of our hopes up. We think that we have the team to do it, and we're going to be out there battling all the way through. Thanks. If we don't win, the Yanks will know they've been in a battle. Ah, my favorite brain suits. Le rock, la danse, les zombies, The Cramps. Nous sommes en 1983. Through the lights, the surfing dead. Ooh, make it tight. C'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Et ce soir, c'était une zombie dance. Avec une grosse pensée pour Sun Cutty, qui était interviewé tout à l'heure en direct, qui était l'invité de Duo, et qui joue en ce moment au fil à Saint-Étienne. Et on pense aussi à son père, Fela Kuti, pionnier de l'afrobeat, et à son célèbre hit Zombie, et qui nous aura largement inspiré ce soir pour faire ce programme. Alors sur le dance floor, nous avons reçu rien de moins que Grand Turn. Ça, c'était au début pour se mettre en jambes. Il y avait également Quincy Jones et Michael Jackson pour avoir élevé au rang de hit et de rite interplanétaire les zombies dans les années 80 avec Thriller. On a également reçu Errol Josué, à la fois prêtre vaudou et DJ, et qui n'est pas pour rien dans l'expo sur les zombies qui se tient actuellement au musée du Quai Branly à Paris et que je vous recommande chaudement si par hasard vous arrivez à vous télétransporter à Paris. Il y avait également Colo et sa pop haïtienne, tout empreinte des rythmiques vaudou. Casino et son hit Zombie. Après, on a pris la direction du Bénin et le fantastique orchestre Polyrythmo de Cotonou. Il y avait également Eric Kozak qui pense les plaies de l'île de la Réunion sans jamais oublier les zombies, car peut-être les zombies, eh bien c'est nous. Jimi Hendrix et sa guitare et son célèbre Voodoo Child, Baby. On a également reçu Coco Taylor, grande voix de la Nouvelle-Orléans, comme Dr. John et son piano possédé. Et le professeur Long R, qui tape du pied. Prodigy également, qui eut une période très vaudou, électro, techno, trance, en 1994. Et les Cramps, qui ont accéléré l'influence de la figure du zombie dans le rock, et même peut-être dans le métal. Impossible de ne pas finir avec Buffy, immense série féministe, avec cette tueuse de zombies qui doit aussi faire avec ses questions de jeune femme dans un monde de brutes. C'était la zombie danse de la nuit des temps. Un grand merci à Philippe Charlier pour ses nombreux et passionnants bouquins sur les pratiques rituelles toujours bien vivantes à Haïti. Et merci aussi à Georges Romero qui aura enchanté nos soirées VHS, DVD, streaming. Toujours, encore. Et ses morts vivants. C'était la Zombie Dance. Buena noté. Encore quelques bonus zombies secrets. Et salut! La nuit des temps, l'international de la danse. Rock and roll.